La tragédie de juin 1940, le grand historien Marc Bloch pense tout de suite l'événement. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. La guerre est à peine finie, la défaite consommée. Tout le monde n'a pas eu la chance de toucher le fond de la dérision. Que le grand historien Marc Bloch, qui a participé à la deuxième comme à la première guerre mondiale, se met à sa table, à Fougères. Fougères, c'est dans la Creuse. Et il écrit « L'étrange défaite », un livre qui a de plus en plus d'écho aujourd'hui. Et Kenneth Becker, bonjour. Bonjour. A publié avec d'autres textes relatifs à sa conception de l'histoire, relatifs à ses guerres, relatifs à sa résistance. L'histoire, la guerre, la résistance, c'est un quarto chez Gallimard que vous avez piloté en compagnie d'un fils de Marc Bloch, Étienne Bloch. Oui, Annette Becker, d'aucuns se suicident ? Oui, il y a eu énormément de suicides pendant la période, et on peut comprendre pourquoi. Et Marc Bloch, il était contre le suicide. Marc Bloch était absolument contre. Marc Bloch est avant tout un homme d'action. Et l'action, au moment de la défaite, c'est pour lui, qui est un historien, c'est de réfléchir en historien. Et il va faire de l'histoire du temps présent. Alors que, par exemple, son ami George Bache, beau-frère de son ami Alvax, le grand sociologue Alvax, lui se suicide. Et Bloch a des mots extrêmement durs pour ce suicide. D'autant plus qu'il a des enfants, le suicidé, et il trouve ça absolument intolérable. Il trouve ça une facilité. Il faut penser l'événement, c'est le titre que j'ai choisi avec Audrey Ripoux, notre réalisatrice pour cette émission. Alors aujourd'hui, pendant la pandémie, au lendemain de la pandémie, on publie des tribunes où on tient un blog. Lui, il va donc se mettre à sa table de travail. C'est difficile de publier des tribunes au grand jour, l'été 1940, au temps du maréchal Pétain, et écrire donc l'étrange défaite. Voici un extrait du premier chapitre de l'étrange défaite, où il dit « Moi, je ne suis pas un antiquaire, je suis un historien, et un historien s'intéresse d'abord au présent, et j'ai beau d'ailleurs être un historien, je suis d'abord un citoyen. » La profession que j'ai choisie passe, ordinairement, pour des moins aventureuses. Mais mon destin, commun sur ce point avec celui de presque toute ma génération, m'a jeté par deux fois, à 21 ans d'intervalle, hors de ces paisibles chemins. Il m'a en outre procuré, sur les différents aspects de la nation en armes, une expérience d'une étendue, je crois, assez exceptionnelle. J'ai fait deux guerres, j'ai commencé la première au mois d'août 1914, comme sergent d'infanterie, en pleine troupe par conséquent, et presque au niveau du simple soldat. Je l'ai continué successivement comme chef de section, comme officier de renseignement attaché à un état-major de régiment, enfin avec le grade de capitaine dans les fonctions d'adjoint à mon chef de corps. Ma seconde guerre, j'en ai vécu la plus grande partie à l'autre extrémité de l'échelle, dans un état-major d'armée, en relation fréquente avec le GQG. Tranchant à travers les institutions et les milieux humains, la coupe, on le voit, n'a pas manqué de variété. Alors, officier intermédiaire pendant la Grande Guerre, quand on lui dit il faut quitter le talus, faut y aller, il y va au risque de sa vie. D'ailleurs, dès 1915, c'est le premier texte que vous publiez dans le Quarto Gallimard, il fait sa lettre d'adieu, sa première lettre d'adieu. Oui, il fait sa lettre d'adieu, ce qui est tout à fait classique d'ailleurs pour les soldats intellectuels de la Grande Guerre. Ils savent très bien qu'ils sont parti au front par patriotisme, et que, surtout quand ils sont officiers, ils sont à la tête de leurs hommes et qu'il risque de mourir. Et ces lettres d'adieu sont très intéressantes pour montrer la mentalité de l'époque, ce patriotisme, cette volonté d'en finir avec l'agresseur à tout jamais. Et il est tout à fait dans cet esprit-là. Sa mort ne doit pas être pleurée parce que il est mort de la bonne façon. Il sera mort pour la France. Le suicide, c'est une manière de penser la mort comme une délivrance, donc c'est une erreur. La mort au combat pour la patrie, c'est un accomplissement. Les peuples qui ne veulent pas périr et qui veulent la paix doivent comprendre que ni l'une ni l'autre de ces deux fins ne peuvent s'obtenir que avec le risque de la guerre. Il faut que le risque de la guerre soit clairement envisagé. C'est une citation parallèle de Jacques Maritain. On reviendra peut-être sur la réflexion à la même époque du philosophe Jacques Maritain. Il était tout sauf pacifiste, au sens où on entendait le mot, souvent après la Première Guerre mondiale. Non seulement il n'était pas pacifiste, mais il était, de façon militante, anti-pacifiste. Il pense que les pacifistes ont quelque part du sang sur les mains, parce qu'ils n'ont pas su dire non à la montée de Hitler. Ils ont été obsédés par les pertes de la Première Guerre mondiale, et il y avait de quoi. Mais dans cette obsession, ils ont perdu le sens du monde, et le monde continuait. Et en particulier, le monde allemand, voulait faire la guerre de nouveau. Et les pacifistes ne s'y sont pas préparés. Ils n'ont pas vu l'Espagne, ils n'ont pas vu la Pologne, même en 1939, d'où la catastrophe. Nous autres enseignants, et ils pensaient aux instituteurs notamment, qui étaient souvent pacifistes, nous avons notre part de responsabilité qu'il faudra explorer. L'étrange défaite, c'est une réflexion sur toutes sortes de causes qui sont différentes, indépendantes les unes des autres, mais qui peuvent converger. Et les causes sont d'abord d'ordre militaire. Il est passionné par l'histoire militaire. Alors l'histoire militaire, ça s'enseigne par le récit des grandes batailles. Et puis on imagine que en partant en manœuvre, on peut faire la guerre comme on l'avait faite autrefois. Sauf que la guerre, c'est jamais prévisible. Monseigneur, je vous en prie. Après vous, madame, je n'en ferai rien. Mais qui peut venir à cette heure-ci? Rosalie, allez ouvrir, je vous prie. Mesdames, messieurs, bonsoir. Veuillez nous excuser. Les manœuvres ont été avancées d'un jour. Mais colonel, vous vous rendez compte? Vous arrivez à l'improviste et je... Je suis sincèrement désolé. Croyez bien que ce n'est pas ma faute. Ce soir, justement, nous avions des invités. Je suppose que vous n'avez pas dîné. Non, madame. Écoutez, asseyez-vous comme vous pouvez. Un peu de foie gras, colonel. Avec plaisir. Merci. Ces manœuvres vont durer longtemps? Environ une semaine. Message de l'état-major pour le colonel. Allez-y. Mon colonel, qu'est-ce que c'est encore? Si vous voulez bien m'excuser... J'en prie. Allons, bon. Qu'est-ce qui se passe? L'armée verte a attaqué avant l'heure prévue, nous devons partir immédiatement. Oh, mais vous n'avez rien mangé. Je regrette, madame, mais les ordres sont les ordres. Messieurs, nous partons. Les convives du charme discret de la bourgeoisie, selon Buñuel, commandés par le colonel Pieplu, ils arrivent trop tôt chez Jean-Pierre Cassel et son épouse et ils partent plus tôt que prévu. Rien ne se passe comme prévu. J'adore cet extrait, ça me paraît extrêmement bien choisi, pour deux raisons. D'une part parce que ce film est sans doute le plus bizarre de tous les films bizarres de Buñuel, c'est ce que disait Jean-Pierre Mocky, et évidemment étrange, défaite, bizarre, on peut réfléchir là-dessus. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il y a beaucoup d'humour et que Bloch était un homme qui faisait de l'humour tout le temps, y compris contre lui-même. Et il a par exemple une description de l'éducation militaire, quand il essaie de comprendre pourquoi les chefs en particulier, pendant toute cette campagne, étaient incapables de faire cette nouvelle guerre. Il dit « l'éducation militaire prépare à tout, sauf à la guerre ». Il le dit avec humour, mais c'était tellement réel à ce moment-là que ça devient tragique. C'est aussi le mot qu'il emploie souvent. Et les chefs suprêmes, ils ont plutôt du retard que de l'avance. Ah, ils ont un retard complet. Alors là, c'est ses mots favoris. Retard, nous pensions en retard, nous faisions la guerre de 1918, les Allemands faisaient la guerre de 1940, le cerveau sclérosé des officiers de l'état-major qu'il a côtoyés, en particulier le général Blanchard, pour qui il a des mots d'une dureté extrême. Il se demande même pourquoi tous ces gens n'ont pas été limogés, comme leur équivalent avait été limogé en 14. Il le savait bien. Et en 40, ils sont restés. Ils étaient tout aussi incapables et ils sont restés. Et ils se demandent pourquoi. Alors lui, il est capitaine, le plus vieux capitaine dans la Deuxième Guerre mondiale de l'armée française, dit-il. Et si mes souvenirs sont bons, il était au 47e régiment d'infanterie, non? Je me trompe pas. Tout à fait exact. Non, je dis ça parce que c'était le régiment de mon père qui a été fait prisonnier à la fin de la guerre. Tandis que Marc Bloch, lui, il a quitté son uniforme pour ne pas être fait prisonnier. Alors il dit du 47e, bon... Les soldats bretons, c'est pas des foudres de guerre, mais il aime bien être au milieu de ces hommes. Il l'était déjà pendant la Première Guerre mondiale, et ça rejoint son métier d'historien. Il dit toujours, l'historien est celui qui est comme l'ogre de la légende, il aime la chair fraîche, la chair humaine. Et la chair, en parlant d'une tragédie comme celle de 40, c'est peut-être plus une très bonne idée. Mais c'est l'humanité dans l'homme. C'est cela qu'il recherche tout le temps. Il le dit dans l'Apologie pour l'Histoire, qu'il écrira juste après l'étrange défaite. Et cette humanité, il le trouve dans les simples soldats. Il montre bien la différence entre ceux qui sortent d'école militaire et qui ont cette espèce de morgue. Non pas qu'ils ne soient pas patriotes, ils peuvent l'être, mais ils sont sûrs qu'ils ont appris à l'école. Et les autres sont là pour défendre leur patrie, tout simplement. Et le désastre de 40, tel qu'il l'analyse, c'est que ceux qui doivent donner les ordres en sont totalement incapables. Mais ça ne change pas ceux qui sont à la base. Il parle des gens du Nord, il parle ensuite des Normands, puis des Bretons, de la même façon. Alors avec ce que Char a appelé plus tard de l'humilité questionneuse, il avait pendant la Grande Guerre photographié. Il était passionné par l'image, la photo, puis le cinéma, les travaux et les jours des hommes avec qui il était. C'est ça qui faisait communauté. Tout à fait. C'est ça qui faisait communauté. C'est ça qui faisait que le front militaire était totalement lié au front domestique. Il était tout à fait lié à la France tout entière. C'était les gens normaux qui faisaient, je dirais, une guerre normale. C'est pas ce qui se passe en 40. Tout devient anormal. Qu'est-ce qui faisait communauté? Il s'interroge aussi beaucoup sur les causes politiques de l'étrange défaite. Jacques Maritain dit « Toutes sortes de causes sont indépendantes les unes des autres, mais elles convergent vers un même résultat. » Je voudrais faire la comparaison un instant avec un autre livre qui est écrit à peu près à la même période. Jacques Maritain est en exil aux États-Unis, va être un des rares Français de New York à rejoindre tout de suite le général de Gaulle et publié à travers le désastre dont on distribuera des extraits par avion depuis les carlingues de la RAF. Et écoutez ce que dit Maritain, parce que ça concerne tellement les années que nous vivons. On parle du présent, hein, on ne fait pas de l'antiquité, ni de l'anticaille. Il y a un dégoût de la politique chez les Français dans les années 1930. C'est un peuple qui voit que la politique devient une technique vide et dévoratrice. Le peuple se donne des chefs dont il est responsable, mais ces chefs sont cyniques. Dans le cynisme des chefs, il condamne aussi le cynisme des chefs communistes. Maritain dit les réformes de 36, elles étaient justes, mais elles étaient même presque trop timides, mais les leaders communistes entretenaient la confusion mentale et l'atmosphère de mensonge. Et je cite encore à travers le désastre de Jacques Maritain, mais le pire, ce sont les leaders de l'extrême droite avec leurs hebdomadaires infâmes. Une jolie formule qui pourrait concerner tel ou tel de nos journaux aujourd'hui. Et les leaders de la bourgeoisie, ils avaient basculé du côté de l'autoritarisme. Ils cherchaient n'importe quoi d'assez fort pour brider le désordre des masses et faire marcher leurs affaires. Quelque chose a dû céder sous terre, en un point très profond, faisant ainsi converger vers le même gouffre toutes les causes du malheur. Ce qui a cédé, ce sont les structures ébranlées depuis longtemps de la bourgeoisie française. Je trouve cet extrait de Maritain extraordinaire. Merci beaucoup de l'avoir exhumé. il faudrait exhumer tout le livre et le publier en parallèle avec l'étrange défaite. Ça serait vraiment formidable. Ça serait vraiment formidable parce qu'en fait, ils ont le très catholique Maritain et le très laïque Bloch ont exactement la même vision des choses. Ils ne refusent ni l'un ni l'autre le Front populaire, mais Bloch a aussi des mots très durs pour les syndicalistes et aussi pour les communistes. Il parle de la rhétorique marxiste qui finalement tourne en rond. Et donc, c'est un homme de gauche, bien sûr. Mais il voit bien que l'échec du Front populaire a aussi donné des racines à l'incompréhension politique et au fait que les Français sont désabusés. Oui, mais en revanche, les premiers responsables sont les bourgeois. Ah, mais bien sûr. Bien évidemment, les premiers responsables sont les bourgeois, il en parle longuement. Mais sur ce, je dirais qu'il sauve un tout petit peu plus le Front populaire que Maritain. Et ça vient sans doute du fait de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il est proche des hommes, qu'il s'est mêlé à eux, sans doute dans la Première Guerre mondiale, que n'a pas fait Maritain. Et pour des raisons d'âge, évidemment. Et ce qui est très, très, très, très frappant... c'est que là, il rejoint une de ses formules préférées, qu'il a proférée en 1917, la fameuse formule sur le sacre de Reims et la fête de la Fédération. Rappelez, un Français ne peut pas... Un Français ne peut pas comprendre l'histoire de France s'il ne vibre pas au sacre de Reims, donc la longue histoire de la monarchie française, et à la fête de la Fédération, c'est-à-dire la Révolution française. Et cela, il le dira de façon définitive dans l'Apologie pour l'Histoire, mais il l'a déjà dit en 1917. Et il le reprend en partie dans l'étrange défaite, en disant « Le Front populaire, c'était beaucoup d'erreurs, mais c'était aussi la fête de la Fédération ». Et je trouve que là, c'est intéressant de voir qu'ils sont absolument d'accord sur le diagnostic, mais que quand même, il y a une petite différence plus social ou socialiste du côté de Marc Bloch. Ils sont aussi imperméables l'un que l'autre, Maritain à New York et Marc Bloch à Fougères, dans la Creuse, au système de la Révolution nationale dont Bernanos, à distance, disait « Il a fabriqué une France factice ». Le petit bourgeois y siège à son comptoir, l'employé à son pupitre, le militaire y promène son air martial, le curé lit son bréviaire, les dévots baillent et braillent leur cantique, rien n'y manque, n'entrez pas là-dedans français, vous en sortiriez allemand. Et il est d'autant plus imperméable à Révolution nationale qu'à peine a-t-il terminé l'étrange défaite que le statut des Juifs est publié. Voici ce qu'il écrivait sur le fait qu'il était né juif, qu'il s'était marié à la synagogue dans l'étrange défaite. Donc l'étrange défaite, c'est juillet-août, la rédaction. C'est juillet-août et c'est tout à fait début septembre que, pour la première fois, on lui dit en face, vous êtes juif, donc vous ne pouvez plus enseigner à la Sorbonne. Je suis juif. Sinon par la religion, que je ne pratique point, non plus que nul autre, du moins par la naissance. Je n'en tire ni orgueil ni honte, étant, je l'espère, assez bon historien pour n'ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe et la notion même de race pure, une absurdité particulièrement flagrante lorsqu'elle prétend s'appliquer comme ici à ce qui fut en réalité un groupe de croyants recrutés jadis dans tout le monde méditerranéen, turco-khazar et slave. Je ne revendique jamais mon origine sauf dans un cas. Quand je suis en face d'un antisémite, mais peut-être les personnes qui s'opposeront à mon témoignage chercheront-elles à le ruiner en me traitant de métèque. Je leur répondrai, sans plus, que mon arrière-grand-père fut soldat en 93, que mon père en 1870 servit dans Strasbourg assiégé, que mes deux oncles et lui quittèrent volontairement leur Alsace natale après son annexion au Deuxième Reich, que j'ai été élevé dans le culte de ces traditions patriotiques dont les Israélites de l'exode alsacien furent toujours les plus fervents mainteneurs. Que la France, enfin, dont certains conspireraient volontiers à m'expulser aujourd'hui, et peut-être, qui sait, y réussiront, demeurera, quoi qu'il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé, à mon tour, de la défendre de mon mieux. Quand une injure m'est faite comme juif, je la ressens comme français, disait Lucien Vidal-Naquet, avocat, le père de l'historien Pierre Vidal-Naquet. Alors, il apprend, se rendant à Vichy, après avoir rédigé à Fougères dans la Creuse l'étrange défaite, qu'il ne retrouvera pas, disiez-vous, son poste à la Sorbonne. Néanmoins, il fait partie de ces ariens d'honneur à qui il est permis de continuer à travailler. Dans un deuxième temps, dans un premier temps, donc on lui explique qu'il est juif et qu'il n'a plus droit à demander quoi que ce soit. Et dans un deuxième temps, après d'ailleurs le deuxième statut des juifs, il est dans les 10 juifs français qui ont le droit de continuer à travailler. Et il sera d'abord envoyé à Strasbourg. Il avait été prof à Strasbourg avant d'être à la Sorbonne. Il n'est pas question de retourner dans la zone occupée par les Allemands. Ça, c'est très clair. Donc à Strasbourg non plus, mais c'est une trouvaille administrative extraordinaire. Et donc, l'université de Strasbourg est à Clermont-Ferrand. Et donc, il va être à Clermont-Ferrand. Puis ensuite, renvoyé à Montpellier, et c'est à partir de là qu'il rentrera dans la résistance active. Il avait rencontré l'antisémitisme avant, quand il n'est pas devenu professeur au Collège de France, et les seules raisons ne sont pas intellectuelles, elles sont uniquement l'antisémitisme, c'est très clair. Le cercle de Montpellier, c'est un petit cénacle intellectuel qui se prépare à la résistance dans un apparent silence. Le silence est traversé par des codes à Lyon, où il portera différents pseudonymes, un de ses jeunes camarades de résistance, Altman, se signalait à lui, qui vivait dans une cache près de la Croix-Rousse, en sifflant la chevauchée des Valkyries. Près de 60 ans, il retrouve une nouvelle jeunesse. Il y a une de ses parentes qui dit « Enfin, à son âge, c'est quand même un peu bizarre de refaire du scoutisme. » Cette dame voyait la résistance comme du scoutisme, ce qui n'est pas complètement faux, peut-être. Oui, d'ailleurs, lui, dès la Première Guerre mondiale, pensait que les tranchées, c'était aussi une forme de scoutisme. Et d'ailleurs, il aimait beaucoup le scoutisme. Tous ses enfants, Étienne, le premier, avait été inscrit chez les scouts. Mais plus en profondeur, pour lui, il fait partie des premiers qui, dès juillet 1940, pensent la résistance. Immédiatement, il comprend que c'est la seule voie. Et il sait très bien que son livre ne sera pas publié à ce moment-là. Et il se paye le culot de parler du général de Gaulle dans le livre. Et il en parle de façon très intéressante en disant « on est sclérosé ». Lui qui n'avait que 2 étoiles, il n'avait aucune chance d'être entendu quand il rentrait au gouvernement. Et il sait très bien qu'il est à Londres au moment où il écrit, bien sûr. Donc il fait déjà acte de résistance par écrit. Et puis, très rapidement, il donne sa caution intellectuelle aux résistants, là, dès Montpellier, donc dès la fin de 1941. Et puis en 1942, il passe définitivement dans la clandestinité. Et des deux côtés, comme il l'est depuis le début, en historien, en penseur et en soldat, parce qu'il se bat, aussi les armes à la main. Ce n'est pas seulement un intellectuel qui aide la résistance, il est un résistant de terrain. Et en effet, il a toute cette jeunesse. Tout était vieux dans la défaite. Et la résistance, c'est la jeunesse. Pour lui, c'est très très net. Donc la résistance, c'est des jeunes qui font preuve de beaucoup de maturité, et des vieux comme lui, enfin il n'a pas tout à fait 60 ans encore, qui retrouvent leur jeunesse. Il ne se cache pas de ce qu'il est, parce que malgré les pseudonymes qu'il doit utiliser, il se révèle à ses camarades comme un enseignant. Et à ses camarades de captivité, puisqu'il est emprisonné à Lyon. Nous sommes maintenant en 1944. Ce sont ici des souvenirs livrés peut-être dans le désordre par un ami de cellule, Bruno Permezel, à Étienne Bloch, celui qui, avec vous, a édité l'histoire, la guerre, la résistance, le quarto de Marc Bloch. Je retrouve dans mes lettres, j'avais un témoignage de quelqu'un qui était avec votre père et qui d'ailleurs c'était intéressant parce qu'il m'avait dit que votre père avait fait des cours d'histoire et il disait que les villes c'était les cercles concentriques, c'est-à-dire qu'une ville se faisait toujours. Non, c'est quelqu'un, mais je peux pas arriver à retrouver cette lettre chez moi. Je l'ai, cette personne expliquait que en cellule avec votre père lui, il était tout jeune, les cours, mais c'est la fondation des villes qui se fait toujours avec des cercles concentriques. C'était des grandes théories de votre père, je suis pas spécialiste, mais. Et donc il savait bien qui il était. Mais je crois que de toute façon votre père était à visage découvert. Tout le monde savait qu'il était connu de la communauté scientifique. Mais je crois qu'il était tellement compromis qu'il n'avait plus rien à perdre de dire qui il était. Blanchard, c'était son nom officiel. C'était son nom officiel. Chez Saint-Logeuse. De couverture. Oui. Pour nous, il était Narbonne, Chevreuse ou Arpajon. Oui. Mais Marc Bloch était un organisateur de premier ordre. Il avait un esprit logique, méthodique, extrêmement poussé, beaucoup plus que beaucoup d'entre nous. Et c'est vrai qu'il a eu à ce moment-là un rôle important dans l'organisation et l'unification des mouvements qui lui tenaient beaucoup à cœur. Il est fusillé le 11 juin 1944, c'est-à-dire quelques jours après le débarquement. Il a quand même gardé, malgré l'écho grandissant de ses livres sur l'histoire, sur le Moyen-Âge, sur la défaite des ennemis, et ça fait plaisir. Le numéro spécial du Figaro Histoire s'ouvre sur un éditorial de Michel de Jaeger qui dit, bon... Ce livre-là, c'est vrai que le destin de son auteur est héroïque et touchant, mais enfin, ce livre, on en a surestimé les analyses, dit le Figaro Histoire. Je ne sais pas du tout qui est cette journaliste, mais je suis absolument scandalisée, parce que je viens de le re-relire une nouvelle fois, et au contraire, au moment de l'anniversaire, je trouve absolument prodigieux qu'il y a 70 ans, il ait pu écrire un livre d'une telle précision, d'une telle intelligence. Et au moment où beaucoup d'entre nous nous demandons comment rendre compte dans le temps présent de la crise que nous venons de vivre, crise sanitaire qui se transforme en crise sociale et en crise politique, je crois que l'exemple de l'étrange défaite n'est pas prêt de nous quitter. Alors sur sa tombe, il a voulu que soit inscrite « Dilexit veritatem ». Enfin, c'est une phrase que vous pourriez traduire en français, parce qu'il faut être pédagogue, Annette Becker. Oui, bien sûr. Ça veut dire il aimait la vérité. Voilà. Il chérissait la vérité. C'est bien de le traduire en français, parce que à sa manière, c'était la devise de la marche de l'histoire, dont c'est le dernier épisode consacré à 1940. On se retrouvera, les auditeurs et moi, pour d'autres aventures, à d'autres horaires. Et je cite toute l'équipe, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, Audrey Ripouille, Martin Penet nous a aidés, Juliette Gou a réalisé souvent. Aujourd'hui, nous avions le secours de Guillaume Roux, parce que ce seront autant d'abeilles qui féconderont les ondes de France Inter et qui, formées au travail de la vérité, n'hésiteront pas à piquer quand le poing se refermera sur elle.